Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. En réalité, ce que Freud a découvert est si simple et si inadmissible, qu'on n'en finit pas d'essayer de le comprendre. Le génie de Freud serait d'avoir découvert et révélé au grand jour quelques évidences inavouables que nous refusions tous de voir et de reconnaître, résume assez joliment l'auteur Marthe Robert à propos du père de la psychanalyse à l'émission Format 30 en 1972. Marthe Robert, auteur de quelques ouvrages sur Freud, connu aussi pour sa lecture psychanalytique de la littérature, reconnaît chez Freud l'homme de science, bien sûr, mais aussi l'homme de lettres. J'ai pu voir que c'était vrai. C'était une œuvre d'un grand savant et qui avait bouleversé complètement la conception de l'homme sur lui-même, mais que ça restait aussi un écrivain. C'est l'une des originalités les plus grandes, n'est-ce pas, de l'œuvre de Freud, car je ne connais pas, pour ma part, d'œuvre scientifique dont on puisse dire la même chose, c'est-à-dire comme une sorte de romancier, disons, de notre archéologie intérieure. I started my professional activity as a neurologist trying to break relief. J'ai débuté mon activité professionnelle en tant que neurologue en essayant de soulager mes patients névrosés. Sous l'influence d'un ami plus âgé et par mes propres efforts, j'ai découvert de nouvelles et importantes données à propos de l'inconscient dans la vie psychique, le rôle des fortes envies instinctuelles et ainsi de suite. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse, une partie de la psychologie, ainsi qu'une nouvelle méthode de traitement des névroses. Sigmund Freud, à la BBC en 1938, Freud a 81 ans au moment de cet enregistrement. Et ce que vous venez d'entendre est d'ailleurs le seul enregistrement connu de la voix de Freud. Pour nous parler de ce géant du 20e siècle, j'accueille Alain de Mijola, qui est dans nos studios de Paris. Alain de Mijola, qui est psychanalyste, neuropsychiatre, historien de la psychanalyse. Il a publié de nombreux ouvrages sur la psychanalyse et sur Freud. Et il vient de publier tout récemment le livre « Freud vivant » aux éditions In Press. Alain de Mijola, bonjour. Bonjour. Comment résumer en quelques secondes, si c'est possible, l'importance qu'a Freud? Pourquoi, de quelle manière est-il si important, Alain Mijola? Ben, il est si important parce qu'effectivement, il a ouvert la porte à des possibilités d'interprétation du monde qui n'existaient pas parce qu'on ne savait pas comment interpréter les différents aspects du monde et de la pensée. Oui. Et ça sera fondamental dans l'histoire de la psychologie, mais plus que ça, dans l'histoire de l'humanité, au fond. Ces leçons, cet enseignement que nous donne Freud. Parlons un petit peu... L'enfance, elle est importante dans les travaux de Freud. Parlons un peu de sa propre enfance. C'est quelqu'un qui, très tôt, va nourrir de très importantes ambitions. Je vous propose d'écouter d'abord l'historienne et psychanalyste Elisabeth Rudinesco, extrait du documentaire « L'invention de la psychanalyse » diffusé sur Arte en 1997. Puis ensuite, on reviendra ensemble pour voir s'il y a un lien. Dans quelle mesure cette enfance pèsera, nourrira ce que deviendra Freud plus tard? Freud est d'abord un homme sombre, compliqué, ambitieux, d'une intelligence extraordinaire et qui a un très grand désir d'être un grand homme. Dès le début, il a envie de faire des grandes découvertes. Je crois que ça n'est pas pour rien qu'il s'est comparé lui-même à un aventurier, à Christophe Colomb, et qu'il adorait les conquérants, Hannibal et Napoléon notamment, c'est-à-dire des conquérants militaires. Freud est habité par un grand désir, non pas de réussir au sens de faire des affaires, après tout, il vient d'un milieu de la bourgeoisie juive, commerçante, c'est pas du tout ça. Il rêve d'être un homme de science, il rêve d'être un savant et de changer le monde. Alors, très vite, Alain Mijola, Freud nourrit de très grandes ambitions. Sa mère, entre autres, voit en lui très, très, très vite aussi un être d'exception. Est-ce qu'il y a un lien? Quelle importance aura l'enfance de Freud, cette enfance si importante dans ses travaux, je le disais, pour ce que lui-même deviendra plus tard? Elle a l'importance d'exister. Sa mère, bien entendu, sera toujours présente dans l'arrière-pensée de toute sa pensée en général. Et aussi... le milieu juif dans lequel il est né, dans lequel il a été élevé. Et tout cela constituera le background de Freud. Ouais. Parce qu'il est marqué par la difficulté qu'il éprouve, parce qu'il a une enfance difficile et une enfance très pauvre. Donc, il va être toute sa vie obligé de travailler pour gagner un peu d'argent, pour rattraper l'extrême pauvreté qu'il a vécue dans son enfance. Ouais. Mais avec ce moteur, cette ambition grande qui arrive très, très tôt dans sa vie, et un talent indéniable, il est précoce, il est surdoué, le jeune Freud, déjà très tôt. Ah ben bien sûr, oui, ça c'est évident. C'est évident qu'il est très doué et qu'il va l'être toute sa vie. Et il est très tôt doué. Et surtout, il a très vite compris qu'il fallait qu'il découvre. Et très jeune, dans ses correspondances avec ses jeunes amis, il explique qu'il faut qu'il y aille et qu'il est en train d'étudier la philosophie, de s'intéresser à ceci, à cela. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Et c'est cela qui va décider petit à petit de son dessin. Ouais. Et ce dessin, ce sera évidemment d'abord la médecine. Il va devenir neurologue à Vienne. Et puis en 1885, il part pour Paris. Et ça, ce sera important pour lui. Il va assister à Paris aux expériences du professeur Jean-Martin Charcot. Parlez-nous de l'importance qu'aura cette rencontre de Freud avec Charcot. Mais peut-être en commençant par nous situer un peu ce qui se fait à ce moment-là, parce que ça vaut le détour, à l'hôpital de la Salpêtrière de Paris. Ben, à l'hôpital La Salpêtrière de Paris, il y a les présentations qui sont faites par Charcot devant le public de ses internes et puis un public un peu plus large de malades qu'il présente et autour desquels il bâtit un discours théorique. Mais ce sont des patients qui sont là et qui sont considérés comme des hystériques pour la plupart. Certains disent même que les internes de Charcot préparent les malades avant leur passage en public afin qu'ils soient très, très, très, très répondants déjà au désir de Charcot. Ouais. Enfin, c'est ça, si vous voulez, qui est la principale attraction française sur le cas de ces malades qui, autrement, ne sont pas traités. On n'en parle pas. Ouais. Et c'est du spectacle, en fait. Du spectacle. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qu'il se fait? Il se fait des hypnoses. Charcot, c'est ça, en fait. Il pratique l'hypnose sur ses patients. Charcot a fini par pratiquer l'hypnose et a montré que les souvenirs étaient différents suivant l'hypnose, ou bien ils apparaissaient, ou bien ils disparaissaient. Ouais. C'était donc très, très variable. Ouais. Quelle importance ça va avoir, cette expérience parisienne pour Freud, quand il revient, par exemple, à son cabinet de Vienne? Quelle leçon, quel enseignement il tire de tout ça? Ben, l'enseignement qu'il tire, c'est qu'il faut qu'il aille chercher ce qui est à l'origine. Parce que c'est la question de l'origine qui est aussi présente chez Charcot. Toutes les choses débutent par, et donc il cherche quelles sont les origines des différents symptômes dont les patients viennent se plaindre. Mmh. Alors au début, il les traite par l'électricité, par des tas de choses, et puis un jour il en a assez, et il commence à les traiter par l'hypnose. Ouais. Et puis là aussi, il s'aperçoit que bon, mais c'est pas une solution en soi, et il applique ce qu'il avait appris avec Breuer, au cours d'une conversation, c'est qu'on peut retrouver l'origine de chaque moment, de chaque souvenir qu'on a actuellement. Mmh. Parlons-en de cette collaboration qui sera très, très importante, qui sera fondamentale entre Freud et Joseph Breuer. Ils vont publier ensemble l'ouvrage « Études sur l'hystérie » en 1895. Mais avant, dès 1893, ils ont ces discussions dont vous nous parliez. Les deux hommes discutent de leur méthode de travail. On va écouter d'abord un extrait de l'émission « Le roman de la science » diffusée en 1959. C'est une dramatique. Et puis on reviendra sur la relation entre les deux hommes tout de suite après. Vous allez entendre dans cet extrait le comédien Gilles Pelletier, qui incarne Sigmund Freud, et puis Jean-Louis Paris, qui lui tient le rôle de Joseph Breuer. J'ai l'impression que ce sont mes malades qui m'indiquent la voie de la découverte. Quand j'ai cessé de pratiquer l'hypnotisme, j'avais l'habitude de presser le front de mes malades pour les inciter à parler. Puis je les harcelais de questions, et cela était aussi épuisant pour eux que pour moi. Un jour, une de mes malades m'en fit le reproche, en me disant que mes interventions empêchaient le cours normal de ses pensées. Et depuis, vous les laissez parler librement? Oui. Je suis étonné d'entendre ce qu'ils me disent. Ils évoquent spontanément des souvenirs qui datent de leur tendre enfance, comme si cela était vraiment important. Ce sont la plupart du temps des événements assez pénibles, des histoires de séduction. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que cela soit vrai. Vous voulez dire que vos malades vous mentent ? Je veux dire qu'ils s'imaginent que ces événements leur sont réellement arrivés. Et je suis persuadé que pour eux, ce qui est important, ce n'est pas que l'événement se soit produit ou non, c'est qu'ils y croient. Alors, Alain Mijola, évidemment, c'est une dramatique, un extrait qu'on entend. D'ailleurs, il y a peut-être une inversion. C'est peut-être plus Breuer qui va mettre Freud sur cette piste de laisser ses patients parler. Mais racontez-moi, je lisais en préparant cette émission, c'est peut-être un peu romantique, mais un article où on disait que les balbutiements de la psychanalyse sont nés une fameuse nuit de 1893 à Vienne, quand Breuer et Freud se parlent justement de leurs patients respectifs. Oui, c'est d'ailleurs une seule soirée, parce qu'après, il n'y a pas eu une influence de Breuer telle sur Freud. Non, il lui a donné l'histoire de qui a été publiée ensuite, mais c'est tout, à part Anna O. L'histoire d'une patiente, ouais. C'est Anna O, c'est l'histoire de la choking cure d'Anna O, qui a compris qu'on pouvait venir à bout de ces symptômes hystériques en les laissant parler en soi pour qu'ils éveillent la première fois où ils sont apparus. C'est cette recherche de la première fois qui va caractériser toute la recherche de Freud au début. Ouais. Et puis la méthode de laisser parler, le divan viendra la plus méthode tard. De laisser parler, non, la méthode de laisser parler, c'est les patientes. C'est une patiente. Ouais. C'est Madame Amy von N. qui lui a vraiment donné les premiers éléments en disant « Non, allez, laissez-moi parler ». Ce n'est pas du tout Breuer. Breuer était... Non, on n'a pas une influence telle, puisque d'ailleurs, ils étaient pratiquement fâchés au moment de la publication des études sur l'hystérie. Donc, Breuer ne suivait pas Freud dans ses théories, et ils se sont définitivement fâchés peu de temps après. Mais ça se fait par étapes. Donc, Breuer, qui l'allume sur cette piste des origines. Déjà, il avait, avec Charcot, vu un peu ça. Ensuite, cette autre patiente qui lui dit directement « Laissez-moi parler », ce qui donnera un peu la méthode qu'on connaît en psychanalyse. Et puis, un autre élément important dans ce qui constitue les jalons qui mèneront au développement de la psychanalyse, c'est la propre auto-analyse que fera Freud sur lui-même à la mort de son père. Alors, question double, pourquoi décide-t-il de faire son auto-analyse à ce moment-là et quelles leçons il va tirer de cette auto-analyse? Eh bien, écoutez, il faut reconnaître que la mort du père de Freud est un moment important parce qu'il meurt au moment où Freud développe sa théorie des symptômes disant qu'ils ont tous une origine sexuelle, premièrement. Et que deuxièmement, toutes les scènes qu'on raconte de séduction infantile, etc. Tout cela, c'est vrai et ça s'applique à tout le monde. Mais après la mort du père de Freud, Freud se dit « Mais est-ce que mon père a été lui aussi ce séducteur ?» Et ça l'amène à dire « Non, c'est pas possible. » Et il va, à partir de ce moment-là, entreprendre de rechercher quelle est l'origine, en dehors tout simplement de son père, de ce qui se passe en lui. Et c'est à ce moment-là donc, que commence son auto-analyse, qui très vite, il en parle avec Wilhelm Fliess, qui est son ami et son correspondant, et qui très très vite va découvrir l'Œdipe, c'est-à-dire qu'il désirait sa mère et que son père devenait un ennemi. Enfin, vous voyez, toutes les suites de ces théories naissent de cet instant de l'auto-analyse. Et en 1905, d'ailleurs, il va publier 3 essais sur la théorie de la sexualité pour parler justement, pour poursuivre sur cette veine, quelle importance sera cette dimension de la sexualité dans les travaux de Freud. On écoute un extrait de l'émission « Alain Decaux raconte » diffusée en 1964. C'est Pierre Delbon qui tient dans cet extrait le rôle de Freud. Monsieur Freud. Oui. À tort ou à raison, votre nom est toujours associé à des études sur la sexualité. Pourquoi ? Parce que j'ai montré le premier que dans les psychoses, comme dans les rêves, on trouve à l'origine un désir d'origine enfantine et le plus souvent sexuel. Parce que j'ai démonté le concept de libido. Analogue à la faim, la libido désigne la force avec laquelle se manifeste l'instinct sexuel, comme la faim désigne la force avec laquelle se manifeste l'instinct d'absorption de la nourriture. Parce que j'ai mis en évidence l'existence d'une sexualité infantile. Ce sont là encore de grands tabous, jugez ce qu'ils étaient de mon temps. Quand je demandais un titre de professeur à Vienne après avoir publié mon livre sur la science des rêves, le ministre répondit que c'était impossible parce qu'on riait trop de moi. Alors, quelle importance ça aura? C'est si fondamental, Alain Mijola, la sexualité dans les travaux de Freud? C'était ce qui a marqué Freud dans l'esprit des trois quarts des gens de son époque. Parfois même en le traitant de pornographe. Après, on lui a reproché son pansexualisme. La sexualité qui était, comme vous l'a dit tout à l'heure l'extrait, qui était véritablement quelque chose qu'il attribuait au début de tous les symptômes possibles de ce qu'il voyait en tant que médecin, cette sexualité, il l'a étudiée chez l'enfant. Il a distingué des stades d'évolution avec le stade oral, le stade anal, etc. Et il a donné une théorie sexuelle qui se tient et qui est l'histoire de la sexualité. Parce que la sexualité est le premier des désirs importants. Ouais. Il y aura une diffusion des travaux de Freud en Europe, aux États-Unis, et puis il y aura des adeptes. On n'aura pas le temps de faire le tour de tous ces adeptes, mais on ne peut pas ne pas parler de Freud sans parler de la figure de Jung. Comment décrire cette relation, cette collaboration qui sera assez courte dans le temps? Oui, parce que Jung, très tôt, très tôt, a montré qu'il ne s'intéressait pas vraiment à l'étiologie sexuelle freudienne. Alors, il est passé discrètement à d'autres thèmes. Ils ont eu une conversation par lettre qui est tout à fait importante à lire et à connaître, qui s'est développée jusqu'au moment où il y a eu un début de fâcherie et où aussi Jung s'est rebellé contre Freud, l'accusant de mille choses, tant et si bien qu'ils en sont arrivés à une rupture qui a été assez brutale entre les deux hommes qui autrement avaient eu une correspondance amicale, Mais pourquoi, assez chaude. Pourquoi cette rupture en un mot? Pourquoi? Parce que tout simplement, Jung refusait de suivre Freud dans ses théories basées sur la sexualité. Ouais. Tout ne partait pas pour lui de là. Ah ben oui, absolument pas. Lui, il était dans le mysticisme, il était très proche de tas de forces qui venaient de la vie, tout simplement. Et il parlait beaucoup plus d'instinct de vie que d'instinct sexuel. Un mot sur la fille de Freud, Anna, qui sera peut-être sa plus grande disciple. Il va l'analyser d'abord, sa fille, Freud, et puis elle prendra le relais. Quelle importance elle a pour Freud, pour la psychanalyse? Ben, elle a une importance pour Freud vitale, puisqu'elle va être près de lui, qu'elle va comprendre ses théories, puisqu'elle-même va devenir psychanalyste, et qu'elle va être surtout l'infirmière qui va accompagner Freud durant toutes les dernières années de sa vie, où il est dévoré par son cancer. Ce qui l'amène à porter des prothèses qui sont extrêmement douloureuses, qu'il faut enlever, qu'il faut remettre. Et seule Anna fait ce travail. Elle est donc tout à fait prête à tout faire pour son père. Et quand son père meurt, eh bien, elle va se battre pour que ses théories soient poursuivies et ne soient pas piétinées par les uns ou par les autres. Ouais. Un mot avant de revenir sur cette fin triste de Freud. Il va souffrir énormément pendant très longtemps de ce cancer de la mâchoire, mais un mot sur un dernier ouvrage important. Évidemment, on fait vite, on survole, mais 1920, ce fameux ouvrage, Au-delà des principes du plaisir, c'est quand même important. Pourquoi? Ben, c'est important parce qu'il découvre qu'il y a, dès la naissance, deux forces au fond de soi-même qui s'opposent. Il y a Eros, donc, qui est l'amour, la recherche amoureuse, mais il y a aussi Thanatos, qui est un instinct, une pulsion de destruction qui vise soi-même. Ce qui fait que la vie est en permanence un combat entre ces deux pulsions contradictoires qu'on a tous au fond de nous-mêmes, et puis jusqu'au jour, à la fin, c'est la mort qui l'emporte. Ouais. Vous parliez de cette maladie qui l'emportera. Freud, il meurt à l'âge de 83 ans, en 1939. Anna, sa fille, est là pour l'aider. Mais cette fin de vie, elle est assez triste, parce que la maladie, mais aussi Alain Mijola, parce que l'exil forcé pour Freud. Oui, il y a eu d'abord l'exil, mais il était déjà bon, quand même relativement atteint par la maladie. L'exil a été sûrement difficile. Il avait vécu un premier exil quand il avait même pas 2 ans, hein, quand sa famille a dû quitter l'endroit où ils habitaient pour venir s'installer à Vienne, dans un quartier très, très pauvre de Vienne. Ça a été le premier exil qu'il a connu. Le deuxième, c'était de quitter son magnifique et habituel bureau de travail, rue Bergasse. Et c'est à ce moment-là qu'il va se diriger en Angleterre. Ouais. Et en Angleterre, il va voir petit à petit augmenter le cancer, car il ne faut pas oublier que depuis 1923, il en est atteint, qu'il a subi près de 300 interventions chirurgicales. Enfin, c'est incroyable. Il a été en permanence traité, remis tel traitement, tel autre, etc. Tout ça, d'ailleurs, sous la surveillance d'Anna. Ouais. Et arrive le moment où il se rend compte que ça ne peut plus durer. Parce que son cancer répand une odeur nauséabonde. Mmh. Son chien refuse de rester près de lui. Et ça, je crois que ça a été pour lui le signe qu'il était temps de faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Eh bien, il appelle son médecin traitant, qu'il avait connu depuis le début, et à qui il avait dit « ne me donnez pas de sédatifs, ne me donnez pas tous ces produits, simplement, quand je vous appellerai, il faudra vraiment agir. » Et il lui dit « je vous appelle, et maintenant, il faut que vous agissiez pour que j'en finisse. Parlez-en à ma fille, et puis... on verra, d'après son opinion, ce qu'on fait. » Et la fille a été d'accord. Ouais. On a fait de la morphine pendant 2 jours et il est mort. Son principal, question cruelle parce que le temps file rapidement, mais son principal héritage, Alain Mijola. Son principal héritage, c'est, je pense, l'ouverture sur le monde inconnu des autres. À partir du moment où on ne considère pas qu'on a des réponses toutes faites, que les autres s'expliquent par A plus B plus C, on a l'esprit freudien. Et la pensée de Freud a été le ferment qui a continué d'agir chez certains, à ne pas agir chez d'autres, mais à agir en tout cas chez certains des créateurs qui ont suivi Freud, parce que c'était cette ouverture vers l'autre et cette possibilité d'écoute de l'autre qui est à mon avis tout à fait primordiale. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Alain Mijola, historien de la psychanalyse, psychanalyste vous-même, auteur, je le rappelle, de nombreux ouvrages sur Freud, dont tout récemment l'ouvrage Freud vivant. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.